LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. J'ai une question, pas parce que ça te manquait pas de pas pouvoir, genre, je sais pas, sortir, aller au cinéma. Parce qu'en fait, à Paris, il y a tellement de trucs à faire que tu disais pas, je rate quelque chose ou. J'ai raté beaucoup de choses, mais à force de les rater, je les vois plus, quoi. C'est comme ça, c'est le commerce, ça prend beaucoup de temps. Mais je me plains pas, ça va, parce que ça nous a aidé à vivre, ça a permis de faire vivre une famille entière. C'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, j'ai 25 ans. Il a fallu que je commence à travailler moi-même pour réaliser que mon père travaillait énormément. En moyenne, 12 à 14 heures par jour, avec un seul jour de repos par semaine, qui est la plupart du temps consacré à la paperasse administrative, et très peu de congés. En fait, il n'avait pas le choix. C'était le seul moyen pour lui de faire en sorte que l'épicerie soit rentable et donc de nous faire vivre. Qui est l'arabe du coin ? Épisode 2. C'est dur, mais c'est comme ça. Une série de Noujoud Rejbi, réalisée par Anne de Pelchin. Avant, les commerçants maghrébins, ils vivaient seuls, quoi. Ils font pas venir leurs femmes. Ils travaillaient, tout simplement. Ils rentraient chez eux une fois tous les deux ans. Et ils vivaient en plus dans des arrière-boutiques, dans des conditions horribles, quoi. Ils dormaient avec les rats. Non, maintenant, ça a changé. Heureusement, c'est plus pareil, parce que c'est... Le commerçant, il cherche plus le confort. Il veut vivre avec ses enfants, avec sa femme. Ça a changé depuis quelques années, c'est tant mieux, c'est dans le bon sens, c'est mieux. Pour en savoir plus sur cette génération d'épiciers, je suis allée voir Kamel Tmarzizé, auteur du livre « Les Djerbiens, des commerçants séculaires ». Il revient sur les conditions de vie et de travail des apprentis épiciers djerbiens dans les grandes villes tunisiennes du XVIe siècle jusqu'à l'indépendance du pays. Ces néophytes quittaient après des études primaires l'île sous la protection d'un tuteur. Arrivés à destination à Tunis, par exemple, elle est reçue par un parent qui devenait son patron. Ce maître habile veillait à ce que ce jeune apprenti, qui entrait à l'âge de 12 ou 14 ans de plein pied dans la profession, a quitté le moins possible le magasin. Ces jeunes étaient influencés d'abord par les recommandations de leurs parents d'être honnêtes, attentifs aux conseils, rapides dans le service et surtout obéissants et patients. Ces jeunes apprentis étaient d'une façon générale formés et éduqués à la dure. Leurs journées de travail qui étaient surchargées d'occupations diverses commençaient à l'aube et ne prenait fin qu'à une heure tardive de la nuit. Ces apprentis ne pouvaient aller au lit qu'après avoir garni de boîtes de conserve des étagères, rempli de marchandises le tiroir, élavé le marbre du comptoir et enfin passé la serpillière sur le sol du magasin. Ce néophyte ne connaissait aucun repis, ni congé, ni fête, ni même une seule sortie des mois durant. La seule sortie autorisée était d'aller une fois par semaine au hammam et une fois par mois chez le coiffeur. Ou alors pendant les fêtes, l'Aïd ou la Hajj, s'il a des parents, il peut aller les voir. Et l'on est d'ailleurs de même pour les patrons qui, aimant le lucre, évidemment, étaient des hommes sobres dont le seul but était de préserver et d'augmenter le bien familial. Ces commerçants ont appris très jeunes à être chastes, sobres et économes, à minimiser les dépenses et à se contenter de peu. Ils se nourrissaient très frugalement. Ils dormaient comme gardiens de leur boutique dans l'antichambre, al-Maqsoura. Ces épiciers restaient totalement insensibles à leur environnement, indifférents à ce que se passait autour d'eux. Ces épiciers persistaient à ne rien apprendre de ce que la cité leur offrait, tant au point de vue culturel qu'artistique. Ils ne vont jamais au cinéma, au théâtre, pour voir un spectacle. Jamais. Ils restaient dans une bulle, en fait. Ah ouais. Cette muraille était, quelque part, une entrave à l'intégration de ces épiciers dans la société tunisienne. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien ? Ça va, merci. Je m'appelle Amit, voilà. Je suis 42 ans dans le quartier, à 15e. Et mon âge, c'est 79 ans. Vous hésitez quand même. Hein. Ah oui, 79 ans, 79 ans, ça fait à bientôt 80 ans. Depuis quand vous êtes commerçant ? Bah, depuis que j'ai rentré en France, c'est-à-dire ça fait à le moment, déjà il y a 54 ans. Ah oui ? Ouais. Vous aviez quel âge quand vous arrivez en France ? 24 ans, normalement. 24 ans. Ouais. Et vous venez d'où ? De Maroc, à Casablanca. Je suis de la région d'Agadir, oui. J'ai été venu seulement pour passer 6 jours, quoi. Avant que je vienne en France, j'ai fait le commerce là-bas aussi, une petite épicerie et tout ça. J'ai pris l'épicerie là-bas avant que je vienne ici. Alors, comme j'ai tombé dans le commerce, j'ai resté dans le commerce. Vous étiez marié quand vous êtes parti du Maroc ? Ben oui. Oui. J'ai laissé 10 enfants même. Le maman qui revient ici, j'ai laissé 10 enfants, oui. Oui. Et vous avez combien d'enfants ? 4 enfants. Mon fils, il y en a qu'un qui est ici, qui travaille avec mon frère. Les autres, ils sont au Maroc. Et votre femme, elle est au Maroc aussi ? Il est au Maroc. Il vient de temps en temps. Et donc, vous êtes ici tout seul et vous revenez l'été au Maroc pour les voir un mois ? Pour les voir, oui. Ou bien qui vient me voir ici aussi. Ouais. Et votre femme, elle n'a jamais voulu venir s'installer ici avec vous ? Alors, il y a 6 enfants là-bas, tu sais, des petits enfants. Après, il y a l'habitude de là-bas, oui. Est-ce que c'est difficile d'être seul ici sans la famille qui est au Maroc ? Oui, c'est difficile, bien sûr. Bien sûr, aller laisser la famille et tout ça. Mais à chaque fois, à mon avis, je me disais, voilà, je vais partir à rester avec mes enfants là-bas. Oui, d'accord, au jour ou demain après, voilà. On y est arrivé presque au bout, c'est tout. C'est dur le commerce, surtout comme l'épicerie comme nous maintenant, c'est dur. L'ouverture à partir de 9h, 9h30, jusqu'à 1h du matin. 10 fois même jusqu'à 2h du matin. Tous les jours, sauf 10 fois avant, on fait lundi ou bien dimanche qu'on ferme. Mais maintenant, tu es obligé de travailler, parce que sinon, tu n'arrives pas. Tu es obligé. Alors, tu dors à peu près 3h, 4h, dans 24 heures. Et vous ne faites pas de pause dans la journée, dans l'après-midi par exemple ? Ben oui, mais il faut être courageux, c'est vrai. 10 fois, mais 10 fois, j'y ferme la porte, c'est comme j'ai très fatigué un petit peu, j'y dors, quoi. Tu vas dormir à 1h, 1h30, comme ça, pas plus, oui. Un jour bien, un jour pas bien, un jour bien, un jour pas bien, mais il faut mieux que je reste au magasin comme ça, à travailler, à bouger, au lieu de rester chez moi. Et vous voulez pas prendre votre retraite ? Si j'ai la retraite, mais si j'ai parti chez moi à la maison ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que je dois faire à la maison ? la retraite que j'ai, de toute façon, c'est pas grand-chose. Au début, j'ai commencé à 200 euros. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec 200 euros à mon âge, ce qui pourra... Mais maintenant, c'est remonté un petit peu. Mais à 400 euros, c'est pas grand-chose. C'est rien du tout. C'est pas grand-chose. Alors, il faut mieux que j'y vais à rester à travailler un petit peu, bouger un petit peu. Quand même, mieux que à rester à 400 euros. Ça ne me dit rien du tout. Pour notre commerçant, c'est comme ça. Ouais. Parce que la plupart des commerçants marocains à Paris, à la retraite, ils sont tous rentrés au Maroc. C'est très difficile d'en trouver. Je pense que vous êtes un des derniers à qui on peut parler, en fait. Parce qu'ils sont tous pris leur retraite et ils sont rentrés au pays. Il n'y en a plus. Il y en a qui meurent déjà. Il y en a qui meurent, il y en a qui crevent. Les pauvres, bien sûr, à mon âge, de toute façon, ils sont tous partis, justement. C'est pour ça que je vous le dis que... Maintenant, les jeunes disent derrière, non, de toute façon, les fils et tout ça, il n'y a personne qui ne veut pas travailler, à continuer à faire ce qu'on fait. Voilà, ça. Mon fils même, je l'ai laissé là, il dit, papa, non, je ne peux pas rester là, il faut mieux que je vienne travailler. Je lui dis, d'accord, il a raison peut-être. Pour rester à tenir à 14 heures ou 16 heures toute la journée, je ne peux pas. Mais il a raison, je lui ai dit, tu as raison. Mais est-ce que vous regrettez d'avoir choisi ce métier? J'ai pas regretté parce que c'est le bon Dieu qui me donnait ça. Après, j'ai resté, j'ai pu pas. Voilà. J'ai obligé à prendre l'activité que j'ai connue, quoi. J'ai connu que ça. Vous aimez être commerçant quand même ou pas du tout? Bah oui. Bah oui. C'est m'habituer, c'est l'habitude. Voilà. C'est ce que j'ai connu dans ma vie, c'est ça. J'y ai pas regretté, quoi. C'est comme ça. C'est mon chemin, c'est ça. Mais... Il y a un peu un mythe du commerçant nord-africain qui, forcément, a réussi dans le pays d'accueil et qui est. C'est le parcours de réussite et le parcours d'intégration. Réussi. Dalila Berbagui, auteur de la thèse Les commerçants nord-africains, un groupe spécifique. Trajectoire de commerçant dans le département du Rhône, 1945-1985. Alors bien sûr, il y a quelques parcours qui ont eu vraiment une ascension sociale importante, mais d'autres qui n'ont pas forcément gagné beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, le terme souvent qui est utilisé par certains historiens, c'est celui de OS du commerce, ouvrier spécialisé du commerce. C'est-à-dire qu'ils sont certes commerçants, ce sont des travailleurs indépendants, mais on les assimile encore à des ouvriers spécialisés du commerce parce que dans leurs conditions de travail, leurs conditions de vie, ils se rapprochent davantage d'ouvriers que de réels travailleurs indépendants qui ont très bien gagné leur vie, alors que dans la réalité des faits, il y a énormément de mobilité. C'est-à-dire que parfois, ils sont commerçants pendant 5 ans ou 10 ans, ils redeviennent de nouveau salariés en travaillant dans le monde ouvrier, puis de nouveau commerçants quand on réussit à trouver une offre intéressante. Donc il y a vraiment des parcours de mobilité qui sont très variés. On sait très bien que les dernières générations d'immigrés qui arrivent dans un pays n'ont pas d'autre choix que d'accepter n'importe quel travail pour subvenir à leurs besoins. Et ce sont la plupart du temps des métiers pénibles délaissés par les nationaux. C'est clairement le cas pour les Maghrébins qui ont repris des épiceries à leur arrivée. Et ils n'ont pas repris des commerces qui marchaient. La plupart étaient voués à la faillite à cause de l'arrivée des grandes surfaces dans les années 60. Donc les conditions de travail étaient d'autant plus difficiles. Et pour que ce soit rentable, il fallait travailler beaucoup plus, alors même que les horaires à rallonge sont inhérents au métier de commerçant depuis toujours. C'était déjà le cas au 19e siècle selon Claire Zalk, historienne et auteure de Melting Shops, une histoire des commerçants étrangers en France. Les conditions de travail, elles sont extrêmement difficiles. Tous les témoignages qu'on a rappellent qu'à l'époque, puisque c'est aussi pour essayer de minimiser cette image du commerçant qui est le privilégié. C'est un asservissement puisqu'on est soi-même son propre patron. Et on le sait bien aujourd'hui qu'être soi-même son propre patron, c'est devenir l'esclave de soi-même. Donc il y a une véritable aliénation, surtout au moment où les mesures de protection du travail qui sont acquises par des luttes collectives, hein, que ça soit la loi sur le repos hebdomadaire en 1906, les 8 heures en 36, les 40 heures, hein, voilà, on va avoir tout un ensemble de mesures de protection du travail sur les conditions de travail ne sont pas en vigueur pour les commerçants, qui eux-mêmes sont leurs propres patrons. Et donc, on a vraiment une auto-exploitation et ce sont des conditions de travail extrêmement difficiles, alors qui sont compliquées à documenter puisque c'est très rare d'avoir accès aux archives des petites entreprises. Mais tous les témoignages rappellent vraiment des vies au travail où on ne s'arrête pas de travailler. C'est 7h30, j'ai fait l'ouverture, hop, j'installe tout. Jamel Rejbi, mon père. Après, ta maman t'amène à l'école et elle descend tenir le magasin. Et moi, je vais faire les courses. En général, j'essaie de terminer avant la fin des cours, vers 11h, 11h10. Comme ça, ta maman pourra te récupérer de l'école après. Parce que tes horaires, je me rappelle que c'était le matin, puis ensuite tu fermais peut-être à 14h. Je fais une coupure vers le coup du 13h, 13h30 jusqu'à 15h. Pour manger, te reposer voilà, un juste peu. Juste manger et faire une petite pause. Ça, c'est obligé quand tu es tout seul, tu es obligé de faire ça pour pouvoir tenir. Parce que c'est... Mais quand on est deux, ça va, on se remplace. Depuis que ta maman m'aidait, on ne ferme plus en fait. Celle qui remplace pendant le déjeuner. Après, parce que c'est pas bien parce qu'on ne se rencontre pratiquement plus. Quand moi je monte à la maison, elle descend pour tenir la boutique. Donc c'est ça. C'est... Mais tu ne voyais plus trop maman, quoi. Pas trop. C'est bien de gérer ça en famille, parce qu'en général, le commerce, déjà pour trouver du personnel, c'est très, très compliqué. Je ne sais pas, c'est même pas une question de confiance. C'est que les gens, ils voient qu'il y a beaucoup d'heures, donc ils ne veulent pas. Ils veulent dire, vous allez me faire travailler 10 heures par jour, vous allez me donner combien? Alors, c'est ça, le salaire, c'est toujours... Pour ceux qui payent, il va dire c'est trop. Pour ceux qui vont recevoir la paye, c'est pas assez. Donc c'est très très compliqué à gérer ça aussi. Tu pouvais pas employer quelqu'un d'extérieur. Non, parce que t'avais pas les moyens. On peut pas le payer parce que alors du coup c'est resté familial. Tu travailles avec ta maman. Puis la génération aussi d'aujourd'hui, elle est peut-être moins prête à accepter une amplitude horaire de ouais, voilà, oui. 10-15 heures par jour, alors que vous, enfin à l'époque non, c'était... Puis même, ils sont pas... Bah, moi je dis qu'ils ont raison, parce que nous, en fin de compte, on s'est mis dedans, mais sans se rendre compte des horaires, quoi. On nous a dit, hop, faut travailler, puis il n'y avait pas beaucoup de choix, quoi. Tu travailles et tu dis rien, quoi. Du matin au soir, c'est des 12, 13, 14 heures par jour, quoi, des fois. Oui, c'est ça. Avec un jour de repos, tu avais un jour de repos. Oui, oui, heureusement. Et encore, un jour, c'est... Un jour de repos, après, c'est ce jour-là, tu essaies de le diviser, parce qu'il faut que tu ailles faire des choses à faire que tu peux pas faire en semaine, parce que tu es pris toute la semaine. Tout ce qui est administratif, tout ça, tu le fais ce jour-là. Donc finalement, c'est pas trop un jour de repos, en fait, papa. Enfin, entre guillemets, quoi. Repos du magasin, on va dire. Il faut se déplacer, il faut aller voir le comptable, il faut aller à la banque. Puis après, c'est, en plus, des fois, ce jour-là, tu n'as pas le temps de faire les courses en semaine, tu vas ce jour-là. Moi, je me rappelle que tu nous as amené toujours dans les centres commerciaux. Je pense que bah, c'était pour faire les courses en même temps. En même temps, c'était l'endroit le plus facile. Quand vous êtes jeune, donc c'est bien pour vous aussi. Ça vous permet de te promener. En même temps, il y a des manèges souvent dans les centres. Donc, on se amène faire les manèges. Ça fait une petite sortie de famille. On achète des jouets, souvent. Oui. On repartait pas les mains vides, hein. Bah, en général, c'est... on essaie de négocier, mais en fin de compte, c'est vous qui avez le dernier mot à la fin. Mais c'est comme ça, parce qu'on essaie de compenser, parce que le commerce, ça prend beaucoup de temps. Alors, on vit pas de vie de famille. Donc, quand il y a des sorties comme ça, on essaie de faire plaisir aux enfants. C'est pas négligeable, c'est très important. Oui, si tu finis à 22h tous les soirs... Oui, voilà. Donc, l'avantage, c'est que moi, je travaille dans un magasin où l'appartement, il est juste au-dessus. Mes enfants, ils viennent dans le magasin, on a toujours un contact. Mais pour ceux qui ont des magasins, qui n'habitent pas sur place, c'est encore plus compliqué. Parce qu'eux, ils partent le matin très tôt, ils rentrent tard le soir. Ceux qui ont des enfants, ils les voient pratiquement pas. Du coup, tu prenais des vacances l'été? Je partais un mois. Ouais, en vacances, c'est une fois par an, en été, on y va toute la famille. Ça, c'était bien. Après, en plus, les vacances, quand tu pars, il faut que tu trouves quelqu'un qui te remplace. Ça aussi, c'est une contrainte, c'est pas évident. Tu peux pas laisser n'importe qui dans la boutique. Il y en a à qui ça, là, ils ont eu des problèmes. Ils laissent une personne qui est pas à la hauteur, après, il fait n'importe quoi, il fait fuir les clients. Il y en a, ils se plaignent de ça aussi. Mais moi, ça va. À deux fois de suite, j'ai laissé quelqu'un et après, j'ai décidé de fermer. Congé annuel, on y va, toute la famille, pendant un mois. On partait à Djerba. Ouais, à Djerba. Où tu veux partir ailleurs. Djerba, l'île de rêve. Oui, donc oui, toi, ça te permettait de respirer un petit peu, quoi. Ouais, de te reposer. De décompresser, respirer, se reposer, vivre un petit peu en famille, parce que la boutique, elle prend beaucoup de temps. Et moi, je dis que le magasin, c'est un petit peu... c'est une deuxième famille. C'est comme si tu es marié avec deux femmes, quoi. En fait, tu es marié avec ta femme à la maison et la boutique, c'est la deuxième femme. Tu passes plus de temps dans la boutique qu'avec ta femme. Anne-Sophie Bruno, historienne et auteure de Les chemins de la mobilité, migrants de Tunisie et marché du travail parisien depuis 1956. Alors en termes d'horaire, que ce soit un quartier touristique ou un quartier populaire périphérique, la petite épicerie conserve la tradition de l'épicerie, que ce soit l'épicerie de Tunis ou l'épicerie du 19e siècle à Paris, c'est-à-dire des horaires à rallonge, parce que il faut répondre aux besoins d'une clientèle qui se lève parfois à 5h du matin et parfois rentre à 22 ou 23h. Et donc ces horaires à rallonge sont là pour répondre à une très grande diversité des rythmes de travail des classes populaires depuis le 19e siècle en milieu urbain. Donc des horaires à rallonge qu'il faut bien tenir. Et pour le coup, dans les années 1960-1970, le réseau permet aussi ça. C'est des roulements qui permettent de tenir des horaires qui sont intenables à l'échelle individuelle. Donc cette tradition reprise, c'est donc les horaires à rallonge, c'est la maison fait crédit, parce que sans crédit dans les quartiers populaires, ben il n'y a pas de commerce possible. Et donc il y a tout une gestion aussi, un apprentissage qui se fait par l'observation, par les échanges d'informations avec les autres membres du réseau commerçant sur à qui faire crédit, comment faire crédit, comment récupérer un crédit, c'est-à-dire gérer les relations clientèles. Donc ça, c'est aussi un service rendu extrêmement important. La livraison à domicile de la petite dame qui est toujours venue faire ses courses, mais qui à un moment, parce qu'elle est malade ou parce qu'elle commence à vieillir, ne peut plus descendre ses marches. Mais on voit bien qu'en fait, cette livraison à domicile qui maintenant s'affiche livraison gratuite dans les petits commerces, les supermarchés de proximité, bref, installés par les grandes enseignes, livraison gratuite, toujours eu de la livraison gratuite chez les épiciers du coin. Parce que c'est des services rendus, et pas simplement pour des raisons de stratégie commerciale, mais c'est aussi parce que l'épicier, c'est celui chez lequel on va tous les jours, et c'est celui qui connaît les difficultés des familles, les difficultés de la vie quotidienne, et qui sait donner le coup de pouce, qui sait écouter aussi. Et donc il y a vraiment des relations extrêmement profondes qui se nouent autour des épiceries de ces quartiers populaires. Vous revenez de Tunisie, alors non. Ça doit changer. Oula, revenez de Tunisie, il y a longtemps. Hein. J'ai amis qui m'envoient des vœux et qui disent « Pars quelques jours en Tunisie pour le soleil. » Vous venez du sud de la Tunisie. Pour les vœux. L'île de Djerba, exactement. Oui, j'y suis allée, moi. Ah oui, ah, oui, moi j'y suis. Oula, mais il y a longtemps. Hein. Alors, je voudrais des bonnes clémentines. Ah ouais. Monsieur Wadi, s'il vous plaît. Un peu de succulente. Ben oui, c'est toujours les meilleurs. Si, ça y a de l'Italie aussi, mais ça c'est bon ça. Je ne peux pas mettre là-dedans parce que là c'est une galette des rois, je ne veux pas l'abîmer. Oui, c'est bien. Ça va comme ça. Oui. Il faut l'isoler un peu de la chaleur. Il y a encore un peu de raisin, à quel prix ? 9,95. Voilà. Alors une grappe. Ça vient d'où, Pérou ? Ouais, l'Amérique latine. Oui. Oh, mettez-moi une grappe, et puis c'est tout, parce qu'après, il faut que je porte. Une belle grappe, comme ça. Oui, là, oui. Ça, c'est... Et alors... Le clémentine et le raisin. Et le raisin. Ben, écoutez, je vais être assez chargée. Hein. Ça, sinon, je vous les ramène tout à l'heure, si vous alors, voulez. Alors, oui, je prends un légume en plus, et vous me ramenez tout oui. Ça. Qu'est-ce que vous voulez comme légume? Bon, ben, écoutez, je vais prendre une bonne poignée de haricots verts, hein. Ils viennent d'où ceux-là? Maroc. Ah oui, ça va. Ça va comme ça? Une pincée en plus. Donc voilà, ça ira. Mais après je m'arrête parce que je peux pas tout porter. Hein. Ah, ou alors oui, vous m'amenez. Comme vous voulez. Ben, vous m'amenez aussi alors deux poireaux. Les deux là, c'est bon? Ou celui-là. Celui-là et celui-là. Voilà. Bon, allez, ça, c'est bon. Des kiwis, non? Oui, j'ai vu qu'il y avait des kiwis, ils sont bons. Oui, c'est bon. Vous pouvez m'en mettre... C'est combien? Par deux, par quatre, par combien? 3 euros les trois. Il y a des belles petites pommes de terre. Elles se gardent, celles-là? Bien sûr qu'elles se gardent. C'est de la rate. La petite rate. La rate, ok. Vous me les mettrez. Puisque vous venez me l'amener. Je ne sens pas trop lourd pour vous. Non, tout ça. Allez, ça suffit. À des dates, peut-être, quelques dates. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et c'est tout, monsieur. 24, 60, s'il vous plaît. On la pose? Oui. Allez, merci. Allez, à tout à l'heure. Hein. Allez, à tout à l'heure. Allez-y. Vous les avez mis? Oui, j'ai mis trois kiwis, oui. Les gold là ou lesquels? Les verts. Enfant, je pensais que j'avais juste à disposer les produits dans les rayons et à tenir la caisse en arborant mon plus beau sourire pour qu'une épicerie fonctionne. Un peu comme si je jouais à la marchande. J'étais à des années-lumière de m'imaginer les difficultés de ce métier. En fait... La gestion d'une épicerie est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Pour le comprendre, je suis allée voir Samir, le cousin de mon père. Arrivé à 17 ans en France, il est épicier indépendant depuis 23 ans à Fontenay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Ah, mais t'as des mangues? Ouais, j'ai des mangues, ça, c'est des produits exotiques. Il y a des fruits de la passion. Ah oui, quand même. J'ai ramené ce matin des litchis de La Réunion. J'avais des papayes et tout ça, mais là, j'en ai pas aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas ramené, parce que j'ai pas trouvé mon bonheur. Alors. Et ça se vend bien, ces fruits exotiques, là, et tout? Ça va, oui. Ouais, vas-y, peut... si, des fois, ouais, si, il y a de la clientèle. Hein. Tout se vend. Tant que c'est bien présentable, tout se vend. Ah. Même ça, c'est à toi, hein? Ouais, c'est aussi à moi. Il y a un petit citronnier ouais. Et tout. Il y a un pamplemousse chinois. Celui-ci, là? Ouais, ouais. Ah, ça aussi. Là-bas. C'est la même fois, ouais, c'est la même famille. C'est quoi la différence? C'est au goût? Bah, ouais, c'est au goût, hein. Allez, je vous en prie. Et tu vas combien de fois dans la semaine à Rungis ou à métro ou... Là, je vais 4 fois à Rungis. Ouais. Et 3 fois à métro. Parce qu'on vend beaucoup de frais, nous. De fruits et légumes, tout ça. On veut beaucoup plus de fruits et légumes, tout ça. Est-ce que tu as toi aussi hein, quelqu'un qui te ramène les produits? Est-ce que c'est toi qui achètes tout à Rungis ou à métro? Non, c'est moi qui achète les produits. Tu achètes tout seul? J'achète tout seul, quoi. Donc c'est beaucoup de travail. J'aime bien voir les choses avec mes yeux, tout ça. Et les tripoter avec mes mains, tout ça. Ouais. Je suis un peu maniaque, je suis un peu... C'est de trouver le meilleur prix aussi. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Il faut que ça soit quelque chose de beau. Parce qu'on a la clientèle, elle ici, cherche que du beau, quoi. Ça, ouais. Quelque chose de beau, qu'il a du goût, tout ça, ouais, voilà. Comment tu gères le stock? Est-ce que tu as un fichier ou t'as non, non, comme ça, à l'aveuglette, comme ça, comme à l'ancienne. Je passe dans le rayon, comme ça, il manque ça, je prends... Mais je marque toujours avec un stylo et un carton, alors... À l'ancienne. Et puis, surtout, toi, j'ai vu que tu t'es réinventé à chaque fois. T'as acheté des fruits, des légumes rares. Bah, t'as même des plantes. Ouais, on fait des fleurs aussi. Mais depuis quand? Ouais, j'en ai vendu du sapin aussi cet hiver. Depuis ouais. Quand vous faites des fleurs et des plantes ouais, et tout? Depuis quelques années. Le commerce, il faut toujours le suivre pour que ça marche. Faut pas se laisser aller, quoi. T'es obligé. Faut qu'il vienne un client, faut pas le rater, quoi. Faut qu'il achète l'article. C'est comme ça, tu vas gagner ton client. ne trouve pas chez les concurrents, il vient chez moi, ils vont trouver ça. Et comme ça, le client, il va prendre la boutique, il va venir le chercher aussi chez moi. C'est ta manière de continuer à faire vivre le commerce aussi, parce que c'est, ouais, les commerces indépendants, c'est difficile maintenant. Ah oui, c'est difficile, ouais, bah, oui. Bah, parce qu'il y a beaucoup de clients qui vont dans les grandes surfaces, tout ça aussi. Mais l'épicerie, tout ça, quelqu'un qui entretient, il travaillera toujours. Tu penses ? Ah oui, il travaillera toujours. Il faut que ça soit bien entretenu, quoi. Il faut la suivre, quoi. Tu ne penses pas que ça disparaîtra avec non, le temps ? Non, je ne crois pas. Non. Parce qu'il y a ici, il y a beaucoup de gens qui travaillent, tout ça. Et souvent, le client, il est pressé, il a besoin de quelque chose. Hop, tout de suite, ah, ça me manque quelque chose. Je vais chez l'épicier. Trop, il prend l'article. Ouais. Il faut être à la disposition des clients tout le temps, quoi. Donc ça fait longtemps que tu es là. Est-ce que tu penses un jour arrêter ou est-ce que tu penses continuer dans le commerce? Non, non, il faut que je m'arrête là, ça y est là. J'aurai bientôt 60 ans, ça y est là. Vraiment, ça y est, c'est bon. Assez donné là. Ouais. Tu es fatigué, ça y est. Là, ça y est là. Il faut dire stop. En profiter un peu de la vie, quoi. Hein? J'ai jamais profité de la vie, moi. Je rentre tard le soir, j'ai pas vu les enfants grandir, tout ça. J'ai jamais resté à la maison, tout ça. Faut que je reste rentrer un peu là-bas, un peu ici, quoi. En profiter des petits-enfants, tout ça, de la maison là-bas aussi. Mais tu ne voyais pas tes enfants quand non, tu rentrais tard? Non, non, non, non, non, non, je ne les voyais pas grandir. C'est difficile, ça? Ah, c'est, oui, c'est difficile, bah, oui. Bah, oui. C'est pour ça qu'on va en profiter des petits-enfants maintenant. Et qu'est-ce qui te plaît dans le commerce? Est-ce que c'est le lien avec les gens? Est-ce que c'est le fait de voir ses propres produits, de les vendre comme on veut? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui a fait que tu as continué? Ah, la clientèle, oui. Et en plus, le produit, tout ça. Quand tu installes les produits, tu es bien installé, tout ça, tu as vendu, tout ça, tu es bien content, quoi. Ouais. Ou tu achètes quelque chose de bien, tout ça, ouais. Ou quelqu'un qui passe dans la rue, comme ça, ils te disent, ah, tu as une belle étalage. Ou il vient ici, comme ça, ils disent, oh là là, c'est bien rangé, un beau magasin. Ça aussi, ça me fait plaisir, quoi. Ouais. J'aime bien. Que ce soit beau. Voilà. Il aime trop son magasin. C'est une obsession, là. Ah. Alexis Roux de Bézieux, j'ai créé une enseigne de magasins alimentaires de proximité qui s'appelle Cos en 2011. Et en 2018, j'ai été élu président de la Fédération des épiciers de France, qui représente les épiciers indépendants. À savoir qu'aujourd'hui, il reste à peu près 20 000 épiciers indépendants sur le territoire national, là où ils étaient à peu près 140 000 en 1960. Ils ont été en grande partie supplantés par la grande distribution. Pourquoi le métier est de plus en plus difficile ? Parce que la concurrence est de plus en plus acharnée. Parce que le métier, par nature, est difficile. C'est beaucoup de volume, des petites marges. Et donc, ça demande pas mal de main-d'œuvre, en fait. Mettre en rayon, servir. Il faut comprendre que pour faire son chiffre, si on prend un prix moyen article de 3 euros, il faut mettre en rayon probablement 1500, 2000 articles à minima par semaine. Par semaine, donc il faut les mouvementer, ces articles. Donc quand je dis un article, ça peut être un tube de dentifrice aussi bien qu'un kilo de tomate, mais il y a un moment donné, la marchandise ne vole pas toute seule, et donc il faut la mouvementer physiquement. Donc quand on est seul, c'est assez harassant comme travail. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui a rendu leur activité difficile, c'est le fait qu'il n'y ait plus de centrale d'achat. Historiquement, il y avait quelques groupements d'achat indépendants. Aujourd'hui, les centrales d'achat sont concentrées, y compris dans la grande distribution, il en restait trois au niveau national. Et les acteurs qui servaient le commerce de proximité, dont Métro, qui se réclament toujours du fait de servir le commerce de proximité, dans les faits, ils servent de plus en plus les restaurateurs, parce que en vendant un produit transformé, on a plus de marge qu'en vendant une boîte de petits pois. Et non sans compter qu'en termes de prix, ils sont assez peu compétitifs par rapport justement à ces grosses centrales d'achat de la grande distribution. Moi, quand j'ai commencé, pour vous dire, je voulais faire quelques produits emblématiques qui me paraissaient assez bien faits, dont le ketchup Heinz. Et je me souviens qu'à l'époque, je l'achetais chez Métro, je crois que c'était entre 1,35€ et 1,40€, hors taxe. Et il était vendu dans un Franprix qui était dans la rue dans laquelle je suis, 1,50€. Donc ça veut dire que... Pas de marge, en fait. Pas de marge, pas de marge. Vous disiez qu'il y avait donc des épiciers qui essayaient de vendre de nouvelles choses. Nous, on a rencontré un épicier, par exemple, hier, qui vendait des plantes, qui vendait des fruits exotiques. Et ça faisait 46 ans qu'il était commerçant, ce monsieur. Et en fait, il me disait, bah, j'ai pas le choix. Il faut, si je suis pas la tendance, je ne vends plus, en fait. C'est-à-dire qu'on est à un stade où c'est une course contre la montre. Là où c'est en effet assez difficile, c'est qu'il faut arriver donc à coller aux attentes de la population ou à susciter de l'envie ou à amener de nouvelles choses. Mais on a des exemples d'épiciers, y compris dans des zones reculées, qui arrivent à s'en sortir. Mais il y en a qui font de la livraison de médicaments pour les personnes isolées, enfin, qui se sont beaucoup, beaucoup adaptés. Et l'autre sujet, c'est de trouver des produits qui se vendent avec des filières d'acquisition qui permettent de conserver une marge sans complètement avoir des prix délirants, parce que la part du budget des ménages consacrée à l'alimentaire, elle reste limitée. Hein. C'est entre ces 5 et 15% quand c'était probablement 30% il y a 40 ans. La crise sanitaire, pendant un moment, a dopé le chiffre. Maintenant, l'inflation et ce qui se passe sur la crise énergétique rend les choses plus compliquées. Donc il faut essayer de trouver des produits qui permettent de se différencier en maintenant de la marge et sans avoir de comparaison avec ce que vend la grande distribution. À la petite épicerie, on trouve de tout, oui de tout. Du sel, des clous, de la vanille, du pain de seigle, du saindoux. À la petite épicerie, on trouve de tout, oui de tout. On trouve de tout, oui de tout. À la petite épicerie, on trouve de tout, oui de tout. Du sel, des clous, de la vanille, du pain de seigle, du saindoux. À la petite épicerie, on trouve de tout, oui de tout. On trouve de tout, oui de tout. J'aimerais revenir un peu sur la fédération. Ouais. Est-ce que vous pourriez expliquer son rôle pour les gens qui ne connaissent pas en fait, cette fédération? Comment elle vient en aide aux épiciers? Alors, la fédération, c'est un syndicat professionnel, donc c'est une organisation non lucrative. Donc moi, je suis président bénévole et on a plusieurs missions. On a une première mission qui est une mission, ce qu'on appelle au travers de la représentativité, qui est de négociation avec les organisations syndicales, de tout ce qui est droit du travail, congé maternité, arrêt maladie, indemnité retraite, tout un tas de choses. Et vis-à-vis des adhérents, il y a un certain nombre d'autres activités. Une assistance juridique, on répond sous 24 à 48 heures à toutes les questions qui se posent. Il y a également une protection juridique qui donne droit à l'assistance d'un avocat en cas de litige. La deuxième chose, c'est qu'on a créé un certain nombre de partenariats sur la facture d'énergie avec un courtier en énergie, sur les emballages avec un acteur de l'emballage, avec des tarifs négociés. La troisième chose, c'est que on a développé des modules de formation qui sont financés par le compte personnel de formation, par Pôle emploi et autres, sur des savoir-faire, donc l'hygiène, la traçabilité, la gestion d'un rayon fruits et légumes, la gestion d'un rayon sec, la gestion d'un rayon fromage et charcuterie, le bail commercial, l'accueil en magasin, les achats et les approvisionnements. Et puis, on a également développé un annuaire en ligne qui géolocalise en fait les épiciers avec les produits qu'ils vendent, les services, les types de paiements qu'ils acceptent, est-ce qu'ils font de la livraison, pas de la livraison, leurs horaires d'ouverture, et qui leur donne une forme de visibilité. Et puis, dernier point, on essaye d'être force de proposition ou d'être un interlocuteur vis-à-vis des pouvoirs publics quand il y a un certain nombre de sujets. Donc voilà, on essaye de faire tout un tas de choses pour être à la fois à leur service, les représenter. Étant entendu que les épiciers sont assez farouchement indépendants, si on compare aux bouchers, aux charcutiers, aux fromagers. Et donc, c'est pas évident de les fédérer. Et c'est dommage, parce que quand on est fédéré, on est puissant et on peut obtenir des aides. Si on prend l'exemple du Covid, les commerçants alimentaires sont restés ouverts. Pour un certain nombre d'entre eux, ils ont perdu 30% du chiffre d'affaires, 40% du chiffre d'affaires. Il fallait perdre plus de 50% du chiffre d'affaires pour être éligible à un certain nombre d'aides, mais les dispositifs qu'ont obtenus les restaurateurs, qui étaient très bien, parce qu'ils sont très nombreux et fédérés de manière très importante, nous, on n'a pas été à même d'obtenir le même type de dispositif. Et pourtant, la crise a impacté pas mal de commerçants indépendants. Hein. Juliette, ça ira ? Ça va aller. Abderrazak Ben Mamar, dit Ben, épicier à Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous faites à côté, en fait, de votre casquette de vendeur? Bah, disons qu'il y a ce qu'on appelle... vous êtes là du matin soir avec votre blouse, donc en étant vendeur, donc les fruits, légumes et autres. Merci. Passez une excellente fin de journée. Mais le soir, donc, il faut bien faire sa compta. L'après-midi, il faut lui consacrer une moyenne de 2 heures au moins par jour. Moi, personnellement, j'ai cette chance donc, d'avoir fait de la comptabilité, donc de pouvoir faire les deux. Donc ça, c'est une chance aussi. Donc, je dirais que je n'ai pas fait des études de compta pour rien. Donc je dirais, donc voilà. Après, j'ai mon comptable. Donc non, j'ai toujours eu un comptable, je veux dire. Donc c'est lui qui s'occupe de toutes les factures et autres. Après, le stock, il faut... ce qu'il faudrait, les stocks, c'est... c'est-à-dire, il faut connaître son métier, il faut savoir ce qui marche, ce qui marche pas, ce qu'il faut ramener, ce qu'il faut. C'est ça le plus dur. Et surtout maintenant, en temps de crise, ça devient de la gestion. C'est-à-dire, avant, je parle de l'épicerie, tout marchait. Donc, vous ramenez, vous vendez, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut gérer. C'est-à-dire, il faut éviter la perte. Si vous perdez trop d'argent, c'est foutu. Donc, ce qu'il faudrait, c'est vraiment limiter les pertes. Surtout dans les fruits et légumes et dans la crèmerie. Parce que ce sont des choses qui sont très, très, très fragiles. Si vous avez, si vous perdez une caisse de clémentine tous les jours, ben, je ne vois pas l'utilité des fois de travailler. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux, non. Ou en crèmerie, par exemple. Donc, ça existe toujours. Je sais qu'on arrive toujours à nous retrouver avec quelques produits, malheureusement c'est comme ça, mais il faut pas qu'il y ait de trop, surtout actuellement, je veux dire, avec ce qui se passe maintenant. Tout ce qui est périmé, donc il faut l'enlever. Tout ce qui va malheureusement être le lendemain, donc il faut essayer de le déduire de prix pour pouvoir le vendre. Ou sinon, en ce moment, on a, parce que maintenant ça a tellement changé, il y a un truc qui s'appelle Togood, je crois, quelque chose comme ça. Donc ils viennent chercher un panier, donc si vous voulez, donc maintenant c'est nouveau. Parce que nous, on n'a pas connu dans les années 80 tous ces trucs-là. Donc vous savez, c'est tout un monde. Donc ils viennent, donc quand il y a des produits, donc on les met dans un sac, ils le prennent. Après, on est payé, ça vaut 3 euros, je crois, le sac, quelque chose comme ça. Donc Togood, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc c'est comme ça, il faut suivre le système, comme avec les ventes à l'époque par ceux qui font les taxis, là, comment on les appelle, Uber, ouais, l'Uber et tout ça. Donc ça a bien fonctionné aussi pendant le 1900, non, quand est-ce qu'on a eu la Covid, 1920, c'est ça, 2020, pardon, 2020, ouais, 1920, non, 1920, c'était les années folles. Donc, c'est en 2020, donc quand on a eu les trucs, ça a bien marché, ces trucs-là. Donc, ça m'a toujours fait rigoler parce que les gens, ils viennent, ils vous achètent ça, ils vous envoient tout un, comment on appelle ça, un livreur pour vous prendre une barre de nuts ou de sneakers. J'ai dit, d'accord, c'est comme ça. C'est... Vous êtes à la pointe de la technologie quand même. On essaye. c'est pas toujours facile, mais on essaye. Merci à toi. Papa va bien ? Merci à vous. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Salut, maman. Bonne soirée à toi. Salut. Au Comment vous voyez la suite un petit peu de votre carrière à vous? Est-ce que vous allez continuer longtemps dans cette épicerie? Est-ce que vous voulez rester en France, repartir à Djerba? Est-ce que vous avez des projets? Concernant l'épicerie, je ne sais pas. Bon, pour l'instant, donc après, ça dépend de notre santé aussi. Le problème, donc, parce que le gros problème de l'épicerie, ça prend beaucoup. Moi, personnellement, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc après, ça use aussi avec le temps. On est un peu usé. Donc quand vous êtes des fois là, du matin au soir, des fois ça, tout seul, donc vous ouvrez, surtout. Donc nous, on est resté un peu à l'ancienne. Vous ouvrez à 8h du matin, vous fermez 22h, 23h. Donc ça en fait des heures. Et à un certain âge, on le ressent un peu, donc c'est logique aussi, hein, donc on n'est que des êtres humains, donc on essaye de lever le pied, je dirais, pour profiter un peu de la retraite, parce qu'on cotise, au moins j'espère qu'on aura une petite retraite, surtout d'être en bonne santé, je crois que, voilà, donc parce que c'est pas facile quand vous faites 14-15 heures par jour, de pouvoir profiter plus tard un peu. Physiquement, c'était difficile, non? Je sais que parfois, tu avais mal au dos, des choses comme ça. Oui, parce que c'est... Il faut porter des charges. Il faut supporter, c'est beaucoup de manutention. Il faut décharger la voiture, décharger les camions, mettre en place, porter des caisses, tout ça, ça fatigue à force. Après, c'est avec l'âge, c'est vrai que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué quand on est jeune, on ne se rend pas compte. On est à 100 à l'heure, on travaille. Mais arrivé à un certain âge, le corps ne répond plus de la même manière. On se fatigue plus vite quand on est dans le commerce, parce qu'on fait un métier assez difficile, assez contraignant, physiquement et mentalement. Le commerce, c'est un métier un peu ingrat, quoi. Tu es obligé d'écouter les gens et tu dis rien. Tu dis rien, même la limite, on te parle mal, tu es obligé d'accepter. Enfin, obligé, non, mais par correction, par diplomatie, tu dis rien. Tu dis, c'est bon, tu passes à autre chose. Parce que si vraiment tu commences à faire le, je sais pas, à créer des... Bah, après, ça fait des histoires. Hein. Si tu commences à chercher les problèmes avec les clients, c'est automatiquement... Même pour toi-même, tu ne peux pas continuer ta journée. Une fois que c'est, par exemple, tu es en différent avec un client, tu oublies, quoi, tu passes à autre chose. Sinon, tu ne pourras pas finir la journée comme Mais tu vas être énervé toute la journée. Mais voilà, ça va jouer sur... Et après, ceux qui vont venir après, ils sont pour rien, les clients. Tu oublies. Olivier Lebert, je suis chef de département à l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, pour la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail. L'Institut national de recherche et de sécurité est une association qui a pour objectif de sensibiliser les chefs d'entreprise et les salariés à la prise en compte des risques au travail. L'Institut a notamment publié une étude sur les différents types de risques au travail auxquels sont exposés les employés des commerces alimentaires de proximité. Les tâches quotidiennes étant sensiblement les mêmes, ces risques peuvent aussi, possiblement, concerner les épiciers indépendants. Alors nous, on a un certain nombre de statistiques. Les trois premiers risques, le premier risque, ce sont donc les manutentions manuelles, à la fois en termes d'accidents, mais également en termes de maladies professionnelles, puisque une lombalgie, une douleur articulaire, c'est une maladie professionnelle. Vient en second lieu tout ce qui est relatif à ce qu'on appelle les outils à main, toute la journée. On déballe des colis, on utilise des cutters, ou le premier outil qui nous tombe sous la main, un couteau, un ciseau, on déballe, et donc il y a toutes ces blessures qui sont autour de ces activités de déballage, coupures, blessures. Et puis, dans un troisième temps, tout ce qui concerne les chutes de plein pied, glissades, trébuchements, les sols sont encombrés, il y a l'accès aux réserves, alors... pas toujours de plein pied, en particulier dans les villes, avec des escaliers qu'il faut monter et descendre plusieurs fois par jour en étant chargé. Tous ces éléments-là sont constitutifs de risques professionnels et génèrent des accidents. Ce sont les trois principaux risques auxquels ils sont confrontés. Voilà. Après, on va pouvoir trouver d'autres risques, des chutes de hauteur, notamment pour aller chercher... les produits qui vont être situés en casquette, comme on dit dans la distribution. Bon, tous ces éléments-là, mais les trois principaux risques sont vraiment manutention, outils et chute. Vous disiez dans votre étude qu'il y avait aussi tout ce qui était en lien avec le client aussi. Il y a effectivement ce que nous on qualifie de risques psychosociaux, donc tout ce qui va être autour de la relation client qui peut générer alors jusqu'à l'agression, mais au quotidien, souvent des incivilités, qui vont participer au développement du stress. C'est vrai que dans ces petits commerces, ils sont en contact quotidien, toute la journée avec des clients. Nous, alors après, on ne le quantifie pas forcément en termes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, mais ça participe également du stress, d'agir en précipitation, de devoir se dépêcher. Tout ça, c'est à la fois des risques en termes de TMS, mais également des risques de chute, Le stress est à la fois en lui-même un risque vis-à-vis dans la relation client et il est facteur aggravant d'autres risques tels que les manutentions ou les chutes. Ce sont également des gens qui vont être très sous la pression de l'activité, tout simplement, hein, de faire tourner leur commerce, de générer suffisamment de chiffres. Donc ça, c'est également un facteur de stress. Tous ces éléments-là font partie de ces métiers, oui. Est-ce qu'il existe des risques causés par l'amplitude horaire, par exemple, ou le manque de repos ? On va avoir dans ce type d'activité, comme dans d'autres, une forme de confusion entre vie personnelle et vie professionnelle. C'est-à-dire qu'on est entièrement centré sur son activité. Il y a peut-être des gens qui résident même pratiquement au-dessus de la boutique. Hein, donc on n'a pas cette notion de vie professionnelle très distincte de la vie personnelle. Tout ça est très mélangé. Et donc c'est un grand investissement personnel, forcément, hein, mais qui va effectivement se traduire. Alors on va revenir sur des éléments de fatigue et donc de blessures. À mon avis, c'est de ce registre-là que ça va se jouer sur la notion d'amplitude horaire. Est-ce que vous savez si ces petits commerçants sont conscients des risques au travail ? Alors, comme dans beaucoup de petites entreprises, la pression autour de l'activité est telle que la prévention des risques professionnels est rarement la priorité. Je pense qu'ils le savent parce qu'ils ont des collègues, ils ont peut-être d'autres membres de la famille qui se sont blessés, donc ça se joue de cette nature-là. Mais très largement, on va considérer que ça fait partie du métier, que c'est quelque chose qui est naturel. Et donc la notion de prévention, la notion d'anticiper, de réfléchir pour acquérir un certain nombre d'aides à la manutention, par exemple, des petits aménagements, des fois, du local qui pourraient simplifier la vie au quotidien, eh bien, il arrive qu'on y pense une fois que le mal est fait, j'ai envie de dire. Constatant la fatigue de mon père au quotidien, ses difficultés et ses sacrifices, j'ai toujours su que premièrement, je ne voulais pas reprendre l'épicerie et que deuxièmement, je n'avais pas et n'ai jamais eu la fibre commerciale. Pour Nader, mon cousin, c'est différent. Il a la fibre commerciale, mais reprendre l'épicerie de son père a aussi toujours été hors de question. Mon père m'a montré à quel point le métier était certes intéressant et pouvait plaire à certaines personnes, mais à la fois à quel point c'était un métier difficile, parce que un métier très exigeant en termes d'horaire. Mon père se levait tous les matins, sauf le lundi et le dimanche, à 3h30, 4h, pour aller à Rungis acheter les fruits et légumes. Il se couchait vers 22h, 22h30, et il fermait son magasin à 21h. Il avait une pause déj d'une heure à peu près, une heure et demie. Et c'est vrai que la première fois que je suis allé à Rungis avec lui, la journée, en fait, j'arrivais pas à tenir. Après 16 heures, j'étais complètement. Après, j'étais enfant, mais après 16 heures, j'étais très très fatigué. Et ça m'a montré à quel point le métier était extrêmement exigeant. Et en plus, c'est un métier très, au niveau financier, qui peut être très volatile. Il peut y avoir des années où ça se passe très bien, il a eu des bonnes années, il a eu des années très très difficiles, où vraiment on avait du mal à boucler les fins de mois et on l'a vraiment senti. Et donc c'est ça aussi la complexité de ce métier, c'est que comme on est indépendant, bah, on n'a pas la capacité de connaître ses revenus et on dépend vraiment de ce qui se passe dans l'économie. Je pense que ça m'a un peu poussé vers le salariat, entre guillemets, même si peut-être je ne ferme pas la porte dans plusieurs années à être à mon propre compte. Mais pour le moment, vu ce que j'ai vécu et j'ai vu à quel point c'était difficile d'ouvrir sa propre entreprise et de gérer sa propre entreprise, parce qu'il y a le travail de tous les jours, mais il y a aussi gérer sa comptabilité, gérer toute la paperasse. En France, il y a quand même beaucoup d'exigences au niveau réglementaire, au niveau administratif. Et donc, tout ça m'a poussé plutôt à ne pas faire le métier de mon père qui, aujourd'hui, en plus, il se retrouve avec une retraite ridicule. Hein, il a une retraite de moins de 700 euros par mois après plus de 40 ans de travail où il a travaillé 90 à 100 heures par semaine, quoi, voire plus. Donc, clairement, c'est un métier qui, même une fois qu'on est à la retraite, est difficile parce qu'au final, il a eu très peu de capital parce qu'il a pu revendre son fonds de commerce, mais à des clopinettes parce que maintenant, avec le développement des grandes surfaces, etc., c'est extrêmement difficile pour les petits commerçants et donc les fonds de commerce ne valent plus grand-chose. Et donc, je pense que pour lui, si c'était à refaire, je suis pas sûr qu'il referait le même choix aujourd'hui parce que c'était très exigeant, ça l'a empêché d'être proche de sa famille. Il nous voyait en fait le week-end quand on venait l'aider au magasin, quoi. Je pense qu'il est triste de ne pas avoir passé du temps avec ses enfants et il en a conscience et il le regrette. Alors que sur le coup, je pense qu'il n'en avait pas conscience pendant qu'il travaillait tous les jours parce qu'il était tellement focalisé sur son travail. Son travail, c'était très très important pour lui. Et je pense que c'était aussi important pour lui parce que son but, c'était de donner un avenir meilleur à ses enfants. Son seul but dans sa vie, je pense que c'était, un, vivre de sa passion, deux, donner un avenir meilleur à ses enfants. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il est venu en France, parce que il se disait, l'avenir sera bien meilleur pour mes enfants en France qu'en Tunisie. C'était « Qui est l'arabe du coin ?» Épisode 2, c'est dur, mais c'est comme ça. Merci à Jamel Rejbi, Hamid, Abderrazak Ben Mamar dit Ben, Samir Rojbi, Nader, Dalila Berbagui, Claire Zalk, Kamel Tmarzizé, Alexis Roux de Bézieux, Olivier Lebert et Anne-Sophie Bruno. Documentation, Alice Signoret. Prise de son, Fabien Gosset, Raymond Albouy, Johanna Baric, Lucas Derode et Nicolas Depagraf. Mixage, Manon Moussin. Attaché de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervan. Réalisation, Anne de Pelchin. Un documentaire de Noujoud Rejbi. Love.